Ici Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année. Il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Laldeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. C'est la revue de l'année dans le monde de la NFL avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec, du Journal de Montréal qui peut lire ses papiers toute la semaine, surtout Power Ranking que j'aime bien. Salut Stéphane! Salut! Stéphane, le Power Ranking le lundi matin, mon chum Alexandre Gauthier, très heureux d'ailleurs d'aller sur tes Power Ranking puis de retweeter parce que ces Jaguars de Jacksonville sont dans les 5 premiers. On pensait pas dire ça en 2017. Hein? Effectivement. Puis je comprends qu'ils aiment les Power Ranking parce qu'il n'a pas dû m'aimer ben les années d'avant, ça faut le dire. J'ai ramassé souvent. Joyeusement, les Jaguars, tu sais, c'était le genre de franchise qu'on voyait pas le bout, un peu comme les Browns de Cleveland. Franchement, à chaque année, on disait, oh, là, cette année, les Jaguars feront peut-être pas une série, mais ils vont montrer des signes d'amélioration. Ça fait 2-3 ans qu'on se dit ça, ça arrivait pas. Cette année, bang, c'est l'explosion. Tant mieux, honnêtement, moi, je suis toujours content quand des clubs parviennent à se sortir de leur misère. Les Jaguars le font de brillante façon cette année. Heureusement qu'on a la NFL après la période des fêtes. Souvent qu'on a un down parce que la période des fêtes vient de se terminer. Là, il y a eu les matchs éliminatoires. Par contre, la match éliminatoire, à part le match entre les Packers de Green Bay, les Cowboys et Dallas, le reste, ça a été très, très ordinaire. Ouais, ça, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi, là. Tu sais, c'est ça, ça me fait pas plaisir de l'admettre parce que je suis un mordu, tu le sais, de football, la NFL. J'en mange. Mais, l'année passée, les séries, c'était franchement désolant, là, jusqu'au match des Packers, comme tu dis. Mais je pense, par contre, qu'on a eu un Super Bowl tellement extraordinaire que ça fait oublier le reste. Tu sais, parce que, dans la vie, ben, souvent, on se rappelle du dernier moment, là. Puis ce moment-là était extraordinaire. Ça, écoute, ça n'a rien à voir avec les allégeances de chacun. Il y en a qui adorent les Patriots, il y en a qui les détestent. C'est rare qu'il y ait une zone grise autour d'eux, mais peu importe notre opinion sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'était un match tout simplement fantastique, plein de rebondissements. Puis ce que Tom Brady a accompli dans ce match-là, écoute, c'est pas mêlant, là, ça devrait être enseigné aux jeunes dans les écoles. Ah oui. J'exagère à peine, là, mais en termes de résilience, de détermination, de leadership, tu peux pas trouver de meilleurs exemples que ça. C'est là où, à un moment donné, le jeu d'un athlète va transcender le sport parce qu'il inspire tout le monde autour de lui, ses coéquipiers, ses entraîneurs, les partisans. Mmh. Ça a vraiment transcendé le sport, ce que Tom Brady a accompli durant ce Super Bowl-là. Et Kyle Shanahan, qui a été aidé par Kyle Shanahan, il faut le dire. Là, Kyle Shanahan, qui écoute, c'était 28 à 3 au troisième quart, fin du troisième quart, il avait qu'à jouer au sol, puis c'était terminé. Malheureusement. C'est ça, lui, il a souvent plaidé, Shanahan, ouais. qui est devenu maintenant l'entraîneur-chef des 49ers, il a souvent plaidé que fallait que les Falcons demeurent agressifs, qu'ils ont été agressifs toute l'année, que c'était ça leur mentalité, et que dans ce match-là, fallait pas qu'ils dérogent de leur personnalité. Je peux comprendre dans une certaine mesure, mais à un moment donné, moi, ça me jette toujours à terre les équipes comme ça qui abandonnent le jeu au sol alors que ça fonctionne bien. Tu sais, rappelle-toi, là, même en début de match, Devontae Freeman, le porteur principal des Falcons, qui avait eu quelques belles portées, moi, ça me rentre pas dans la tête. C'est sûr que, personnellement, moi, je l'avais écrit au lendemain du Super Bowl. Je trouvais que Kyle Shanahan avait fait une belle passe à la palette des Patriots, là, en frais de planification, de gestion du cadran. Mais, je voudrais surtout pas, tu sais, que ce soit interprété comme une façon d'enlever du mérite aux Patriots, d'enlever du mérite à Tom Brady, parce que ce qu'ils ont accompli, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Non. Écoute, c'est franchement phénoménal. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y a eu une gestion malencontreuse des Falcons, c'est une chose, mais ça n'enlève absolument rien aux Patriots qui ont été vraiment, vraiment, qui se sont accrochés à l'idée d'aller chercher ce match-là du début à la fin. OK. Repêchage de la Ligue nationale de football, c'était toujours au mois d'avril et bon. On regarde, je vais retourner lors de ce repêchage-là de la NFL qui a été quand même, ça prend toujours une couple d'années avant de bien l'évaluer. Du côté du repêchage de 2017, c'était les Browns de Cleveland qui avaient le premier choix. On a choisi Miles Garrett, Solomon Thomas, Mitch Trubisky des Bears de Chicago. Ils l'avaient payé très cher, les Bears, très contesté aussi à l'époque, si tu te rappelles bien. Et Mitch Trubisky des Bears de Chicago qui a été le deuxième choix. Le troisième choix au repêchage, c'est Solomon Thomas par les 49ers, Leonard Fournette par les Jaguars et Corey Davis par les Titans. Au moment où on se parle, le meilleur joueur s'il n'a pas été blessé, ça serait Deshaun Watson. Hein? Ouais, moi, je pense que oui, j'ai tendance à dire ça. C'est vraiment dommage qu'il se soit blessé. Non seulement pour les Texans de Houston, mais j'irais jusqu'à dire pour l'amateur de football en général, c'était tout un spectacle qui donnait Deshaun Watson. Moi, j'ai encore en tête le match de 41-38 perdu de justesse aux mains des Seahawks de Seattle. Il avait été carrément fantastique dans ce match-là. Puis Watson, ben écoute, il va être là pour les années à venir. Puis ce qui me fait un peu sourire en coin, c'est que si ma mémoire est bonne, c'était le 12e choix au total. Mm. Puis c'est un choix à l'origine qui appartenait à qui? Aux Browns de Cleveland. Effectivement. Ça, faut pas l'oublier. Donc, pour une deuxième année de suite, les Browns qui ont fait le coup, rappelle-toi, l'année précédente, ils détenaient le deuxième choix au total. Ils avaient décidé de l'échanger pour accumuler des choix. Ils l'avaient échangé aux Eagles, qui, eux, ont pris Carson Wentz, qui excellait aussi cette année avant de se blesser. On en parlait comme d'un potentiel MVP dans la Ligue. Écoute, ça fait 2 ans de suite là, qu'ils passent leur tour sur des corps arrière de franchise. Demande-toi pas pourquoi ils en sont rendus là. Non. Puis c'est encore cette année, par-dessus mauvaise décision. Encore cette année. Puis il y a d'autres bonnes prises hein, dans ce repêchage-là. C'est un repêchage qui, je sais que tu as raison de dire qu'on peut pas juger tout de suite d'un repêchage, mais c'est franchement très, très fort. Il y a Watson, mais je regarde au 11e rang, juste avant lui, les Saints qui ont repêché Marshawn Lattimore, un demi de coin. Il a complètement transformé leur défensive. Tu sais, on riait de la défensive des Saints pendant des années. C'est terminé. Là. Tu sais, lui, il est fidèle au poste. Il est bon. Les corps arrière le craignent. On lance très peu en sa direction. Donc ça, c'est de très, très bon augure pour les Saints. Quelques bons joueurs défensifs. Ça a été un fantastique repêchage aussi au niveau des porteurs de ballon. C'est Alvin Kamara. Grosse cuvée. Alvin Kamara, Alvin Kamara qui va être probablement le choix au repêchage déjà pas mal la recrue de l'année, choix de troisième ronde des Saints. C'est pour te dire comment c'est pas gage de succès, hein? C'est ça, le repêchage, là, c'est jamais jamais une science exacte. Puis, t'as Leonard Fournette qui est sorti très tôt avec les Jaguars, qui est un franc succès, mais t'en as plein d'autres. Tu parlais d'Alvin Kamara, regarde Kareem Hunt, qui est un choix de troisième ronde des Chiefs. Grosse saison. Quand tu regardes Dalvin Cook des Vikings, avant de se blesser, était le deuxième meilleur porteur de ballon dans la NFL. C'est un choix de deuxième ronde. Mm. Il y en a un peu partout, à gauche et à droite, des choix comme ça qui s'illustrent dans les rondes un peu plus éloignées. C'était vraiment une grosse cuvée de porteurs de ballon. On va s'en souvenir pour un petit bout. Les porteurs de ballon qui n'ont pas eu de la cote par les dernières années, parce qu'on se disait tout le temps, les porteurs de ballon, c'est plus facile à en trouver. T'as un système bonding, ils sont capables de faire les brèches, et ainsi de suite. Pour terminer pour ce repêchage-là, Anthony Auclair, pas été repêché. On s'attendait qu'il allait être repêché. Finalement, il y avait plusieurs équipes qui l'avaient dans sa mire pour comme joueur autonome. J'ai été surpris, moi, qu'il fasse l'équipe, parce que d'Anthony Auclair, il y en a en masse, là. Puis comment tu qualifies sa première année? Ça a été une belle surprise, une incroyable surprise. Sa première année, dans mon esprit, là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par les statistiques, mais il faut voir plus loin que ça. Anthony Auclair vient vraiment de s'implanter, je pense, dans la NFL. Mm. Écoute, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il a pogné juste deux passes », mais c'est pas son travail, Anthony Auclair. Il faut pas oublier une chose. Au départ, il était le quatrième, il y est rapproché, là, quatrième, cinquième même, chez les Buccaneers. C'était vraiment, là, c'est pour ça qu'il a appris pendant un bout de temps du bout du banc. Ensuite, on a libéré le vétéran Luke Stalker. Il y en a un autre qui a été libéré aussi avant ça. Donc, Auclair qui a gravi vite les échelons. Ouais. Ça, c'est signe qu'il s'entraîne bien, qu'on lui voue une confiance vraiment importante. C'est là que c'est intéressant parce que Auclair va avoir beaucoup de terrain, que ce soit sur les unités spéciales, que ce soit au niveau du bloc aussi. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Auclair, d'abord et avant tout, c'est un excellent bloqueur. Il y a le gabarit pour ça. Là, on parle d'un 6 pieds 6, 250 quelques livres. C'est ça qu'il faut voir aussi. Dans la NFL, là, c'est pas juste d'attraper des passes. Il va exercer un rôle clé là, plutôt que tard avec les Buccaneers. Moi, je pense que comme première impression, c'est franchement réussi pour Auclair. Okay. Stéphane, rapidement, il y a des nouvelles que je vais te demander de commenter parce qu'on va aller à la pause par la suite. On va faire le tour un petit peu des gens qui ont été impliqués dans la NFL qui nous ont quittés et en 2017, puis également ce que tu prévois pour les matchs éliminatoires. Rapidement, Roger Goodell qui signe une entente avec la NFL comme commissaire. C'est une folie. Est-ce que Goodell vaut son pesant d'or? C'est dans le sens que tu regardes, je pense qu'il est plus 2006, là, comme. Tu sais, il n'y a jamais eu autant de scandales sur son règne. Après ça, l'histoire avec Ezekiel Elliott, l'histoire avec Tom Brady. Est-ce que ça vaut son pesant d'or ou n'importe qui. Danny Veilleux aurait été commissaire, puis ça aurait été plus facile. Il aurait eu les mêmes résultats. N'oublie pas une chose, il a été responsable, ou bien, pas entièrement responsable, mais. Des commissions cérébrales aussi. Le circuit qu'il dirige a été aussi dans une année de lockout aussi. Oui, puis des commissions cérébrales aussi, il faut pas oublier. On écoute le film Commotion, puis Goodell, si tu te rappelles bien, quand ça a commencé, il niait pratiquement ça. Oui, c'est ça. T'sais, c'est pas un règne. Un commissaire va rarement faire l'unanimité, mais à l'inverse, j'ai rarement vu un commissaire. Autant décrié que Roger Goodell, tout sport confondu. Tu sais, je sais qu'au Québec, on se plaît un peu à se payer la tête de Gary Bettman, qui est un peu notre tête de Turc dans la Ligue nationale de hockey. Mais honnêtement, Roger Goodell, c'est fou la grogne qu'il y a aux États-Unis là, autour de lui. C'est surprenant là, la prolongation de contrat dans un contexte où il y a plein des choses qui semblent s'écrouler là, dans l'Empire. Je dis pas que la NFL est en perdition, là, faut pas exagérer. Non. Mais les codes d'écoute sont à la baisse, les stades sont de moins en moins remplis. Il y a des problèmes à gérer au niveau de la NFL. Roger Goodell, est-ce que c'était l'homme de la situation? Si les propriétaires ont décidé ainsi, écoute, ils savent mieux que nous autres, mais honnêtement, moi, c'est tout l'aspect discipline, justice, tu sais, c'est le juge, c'est l'arbitre, c'est tout, là, Roger Goodell. Ouais. Il y a beaucoup trop de pouvoir, à mon sens. Ça doit changer. Je sais pas exactement c'est quoi les clauses là qui ont été inscrites à son contrat à cet effet-là, Mais chose certaine, lors de la négociation de la prochaine convention collective, les joueurs vont avoir tout intérêt à faire attention à ça, là, pour ce qui est du pouvoir de Roger Goodell en termes de discipline, en termes de cours de justice presque. Ça, c'est un petit peu décevant. Okay. Les Chargers qui déménagent à Los Angeles, est-ce que c'est un succès jusqu'à maintenant? On joue dans un stade, un tout petit stade, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un demi-succès? Moi, je considère pas ça comme un succès du tout. À part leur fiche, là, qui est respectable, là, on parle de 7 victoires, 7 défaites au moment où on se parle. Ouais. C'est correct, là. Mais honnêtement, ils ont vraiment pas beaucoup de support dans les matchs à Los Angeles. Tout le monde le dit, puis bien des joueurs des Chargers l'ont même dit dans les médias. Ils ont l'impression de disputer des parties sur la route à la maison. C'est quand même pas chic. Puis, de toute façon, ils ont déserté un marché dans lequel ils étaient depuis des décennies à San Diego pour s'en aller à Los Angeles où ils ont aucune racine et où les Rams étaient déjà implantés. Dans ma tête, les Chargers vont toujours jouer le rôle de second violon aux Rams dans ce marché-là. Pour moi, c'est vraiment pas un succès. On verra à long terme, là. J'espère me tromper, mais je pense que c'était vraiment pas une décision qui a été prise de gaieté de cœur. Il semblait plus y avoir de solution à San Diego. Mais sur le long terme, moi, je vois pas comment ça peut marcher. OK. Stéphane Dupont, on va aller à la pause. On revient dans quelques instants. On va parler des amateurs de la NFL, des sportifs qui nous ont quittés en 2017 et également de ce que tu prévois pour les matchs imminents. Alors, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année de la NFL avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini, au 418-276-2108. Monsieur Ghislain Lamothe et tout le personnel de construction Unibec remercie sa clientèle et vous souhaite une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. Président de l'Association du hockey mineur de Robertval, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités. BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau. Au numéro de téléphone 88. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Stéphane, je vais te laisser encore quelques minutes. Moi, j'aime toujours ça, faire un petit peu la rétrospective des gens qui sont décédés dans les sports, dans les différents circuits majeurs, des gens qui ont été significatifs pour la NFL. En 2017, le plus connu, c'est Aaron Hernandez. Quelle histoire triste dans le cas d'Aaron Hernandez, qui était avec Rob Gronkowski et Tom Brady au début des années 2000. Vraiment un duo, un trio incroyable. Ça va faire une histoire d'un film. La fin d'Hernandez, c'est d'une tristesse incroyable. Hein? Ouais, c'est d'une tristesse inouïe. Puis, quand tu penses à ça, s'il avait été capable de garder sa tête straight un peu, ce serait... Je vois pas comment tu pourrais arrêter l'attaque des Patriots aujourd'hui. Parce qu'on voit Rob Gronkowski aller, puis on est émerveillé de son talent puis de sa force brute. Mais Aaron Hernandez, il était pas très loin derrière. Là. Non. Tu sais, c'était tout un phénomène lui aussi. Un monstre de vitesse, vraiment. Alors, tu avais la puissance de Gronkowski alliée à la vitesse et à l'athlétisme d'Hernandez. C'est une combinaison franchement impossible à gérer. Non, non, non. Très dommage ce qui est arrivé dans son cas. Bon, en même temps, écoute, je sais pas là jusqu'à quel point tout ce qui est les problèmes de commotion cérébrale puis tout ça ont joué là, dans son attitude, son comportement. C'est assez difficile à prouver, là. Mais honnêtement, quoi qu'il en soit, la fin, c'est très, très, très, très. OK. Deuxième décès, c'est Monsieur Steelers, Dan Rooney. Oui. Monsieur Steelers, c'est carrément Monsieur Steelers. Hein. Oh oui, tout à fait. C'est un propriétaire. La famille Rooney a eu énormément d'influence dans la NFL là, depuis des décennies, ça, faut le dire. Puis, Rooney, il ne faut pas oublier une chose. C'est lui qui est responsable de la fameuse règle Rooney, qui porte le nom de la famille, qui force les équipes à interviewer au moins un candidat de race noire lorsque vient le temps de procéder à l'embauche là, d'un entraîneur-chef. Bon, certains diront que c'est un succès mitigé au sens où il y a des entrevues un peu bidons là, là-dedans. Il y a des clubs qui se conforment à la politique juste pour s'y conformer, puis c'est pas vraiment des vraies entrevues. Mais on voit quand même une recrudescence au niveau de la présence des entraîneurs-chefs noirs. Donc, la finalité, c'est que c'est un règlement qui a aidé en ce sens-là. Puis ça, ben quand tu innoves de cette façon-là, je pense que ça n'a pas le choix d'être salué et reconnu. Rapidement, parce que je sais que tu restes 5 minutes, Terry Glenn avec les Cowboys de Dallas. Moi, je l'ai plus connu avec Ohio State. Quand tu suis la NCAA, là, il est plus connu sa carrière avec la NCAA, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a eu une belle carrière là, dans la NFL, mais ça s'annonçait encore mieux, à mon avis. C'est un succès. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu de bonnes statistiques et une belle carrière. Ouais. Il a joué quand même longtemps, mais il s'en venait dans cette ligue-là avec, excuse-moi l'expression, mais un hype incroyable. Tu sais, il y avait un potentiel fantastique. À mon sens, il n'a pas répondu pleinement aux attentes, mais quand même, il y a eu un impact dans cette ligue-là. Il a quand même contribué à amener les Patriots au Super Bowl parce que c'est avec eux qu'il a commencé sa carrière, avec Drew Bledsoe à l'époque, rappelle-toi. C'est ça. Moi, je pense que ça a peut-être pas été ce que ça aurait dû être, mais au final, un bon joueur de football et on salue sa mémoire aussi. Et Dick McPherson, c'est, moi, en tant qu'en partie des Patriots, c'est un nom qui est pratiquement pas connu. Mais Stéphane et moi, écoute, Stéphane qui est un grand amateur de football et probablement la sommité de la NFL au Québec actuellement. Dick McPherson, au début des années 90, était l'instructeur des Cowboys des Patriots de Nouvelle-Angleterre. C'est une équipe qui allait nulle part, un peu comme les Browns de Cleveland. Puis mon Dick McPherson était sur les lignes de côté et c'était un spectacle à voir. Je sais pas si les gens sur YouTube peuvent se rappeler de McPherson. Il faisait un toucher, il faisait un beau jeu, puis les caméras s'en allaient directement vers Dick McPherson. C'est un spectacle. C'était un show en tant que tel. Et puis pourtant, là, Dieu sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir. Je regarde ça, puis il y avait une fiche au total de 8 victoires, 24 défaites. Il ne faut pas s'imaginer que les Patriots, ça a toujours été la dynastie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu des années franchement difficiles. Puis même que après le passage de Dick McPherson, la franchise était dans un état tellement désolant. Puis là, je suis en train de dire que c'est de sa faute, là, pas ça du tout. Mais il n'y a rien qui fonctionnait là-bas. Le groupe de propriétaires, là, c'était pas Robert Kraft à l'époque. Il y avait des menaces qui planaient là, sur un potentiel déménagement. Imagines-tu les Patriots qui déménagent aujourd'hui, c'est impensable. Mais à l'époque, c'était pas des jokes, là. Ça se faisait pour vrai, ça se discutait pour vrai. C'était une franchise carrément risible. On parlait un peu des Browns tantôt, sourire en coin, là, mais les Patriots, c'était pas loin de ça. Là. C'était vraiment lamentable. Puis Dick McPherson, malheureusement, est passé là, à la barre de l'équipe dans ces années difficiles-là. Ça n'a pas été évident. Mais écoute, comme tu dis, là, moi je retiens son enthousiasme légendaire dans une cause totalement perdue. C'était franchement intéressant à voir, mais ça n'a pas apporté les résultats escomptés, ça c'est sûr. OK. Donc Stéphane, j'aurais voulu te parler de ce que tu prévois, mais là, il te reste plus de temps. Donc on invite les gens à aller te lire, t'écouter. Je sais que t'es plus avec Jérôme Landry et WFM 93 également, et on peut te lire tous les jours pratiquement sur la NFL. Je te souhaite une bonne année 2018, c'est-à-dire meilleure que 2017, parce que je sais qu'il y a eu des circonstances tragiques en 2017, et santé, bonheur, puis on continue à te lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. C'est très gentil, Danny, puis joyeuse fête à toi, Joyeuses fêtes aussi à tous les auditeurs. Et puis, on se retrouve autour d'un ballon à Val très bientôt. Oui, Stéphane Cadorette, du Journal de Québec et Montréal.